إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue la lecture et l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au sixième chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé L'explication du Tawhid et de l'attestation que la ilaha illallah. Donc on a vu dans les chapitres précédents certains points concernant le sens de la ilaha illallah, et notamment dans le premier chapitre, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé la réalité du sens du tawhid. Mais il a voulu ici insister sur le sens de cette parole immense, sur ce qu'implique le fait que tu dises « Ashhadu an la ilaha illallah » « J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah ». Car beaucoup de gens sont dans l'erreur concernant le sens de cette parole et concernant ce qu'implique cette parole. Certains pensent par exemple que « La ilaha illallah » signifie « La khaliqa illallah » « Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah ». Et bien que cette parole soit vraie, c'est-à-dire « Il est vrai qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala », ceci n'est pas le sens de cette parole. Ceci n'est pas le sens de « La ilaha illallah ». Et ce n'est pas ce qui est visé par celle-ci. Car, comme on l'a vu dans des cours précédents, les polythéistes, vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et vers lesquels les prophètes avant lui ont été envoyés, ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, que c'est le seul à donner la vie, à donner la mort, à administrer tout dans cet univers. Mais ce sur quoi ils se sont opposés aux prophètes et aux messagers alayhi wa sallat wa sallam concerne le fait de vouer le culte, de vouer les adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. C'est donc cela le sens de la ilaha illallah. Le shaykh rahimahullah ta'ala nous a donc mentionné dans ce chapitre 4 versets et un hadith afin de dissiper tout équivoque à ce sujet et d'établir la preuve sur ceux qui se trompent concernant le sens de la ilaha illallah. Le premier verset qu'il a mentionné est le verset 57 de Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Oulaïka alladhina yad'ouna yabtaghouna ila rabbihim ulwasila, ayyuhum aqrab » Ceux qu'ils invoquent cherchent même le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les prophètes, les anges, les vertueux et autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que eux-mêmes, ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les anges et les prophètes et les vertueux, à l'exemple de Isa alayhi salam et sa mère Maryam, leur religion, c'était le tawhid. C'était le fait de vouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes leurs adorations n'étaient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et ils rejetaient toute forme de polythéisme. Contrairement à ceux qui les adorent et les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les ont pris comme associés. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle donc dans ce verset que ceux qui les invoquent, eux-mêmes, cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant exclusivement le culte, en lui obéissant, c'est-à-dire en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et le plus grand moyen par lequel ils se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. C'est le fait de vouer leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter toute forme de polythéisme. Et comme on a dit, c'est avec cela que tous les prophètes et les messagers alayhimu salatu wassalam ont été envoyés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de mettre ce tawhid en pratique et d'y appeler les gens. Car c'est cela qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous les décrit en disant « وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes et les anges. Eux-mêmes, ils cherchent à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils vouent leurs adorations exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent les ordres d'Allah, délaissent les interdits d'Allah. Et ils espèrent sa miséricorde, ils espèrent la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas d'espoir en autre que lui. Et ils craignent son châtiment. Ils ne craignent nul autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Telle est la situation de ceux que les polythéistes invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges et les prophètes. Quant à eux, ceux qui sont tombés dans le shirk, ils ont inversé les choses. Ils ont adressé leurs demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous démontre une chose, c'est que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges, les prophètes et les vertueux, alors ils sont innocents de ce que font les polythéistes qui les ont pris comme associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs à ce sujet, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et au jour de la résurrection, ils renieront votre association. Ils renieront vos actes. Les actes par lesquels vous tentiez de vous rapprocher d'eux. Ils les renieront. Car ils n'ont pas demandé à être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, les prophètes alayhim salatu wa salam, et parmi eux Isa alayhi salam, Jésus, il est venu pour appeler les gens avouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah seul, en dehors de tout autre que lui. Il est donc innocent de ceux qui l'ont pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également dans ce verset la réfutation de ceux qui prétendent que le polythéisme est seulement l'adoration des statues. Vous avez certainement entendu certaines personnes dire cela. Lorsqu'on leur dit que l'adoration des morts, des tombes, des mausolées, etc. est du polythéisme, ils te disent non. Le polythéisme, c'est seulement l'adoration des statues. Or, on voit très bien dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui invoquaient les prophètes, les anges et les vertueux en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre qu'invoquer les morts pour obtenir un bien ou repousser un mal, ceci est de l'association majeure du shirk akbar qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala si la personne meurt sur cela sans s'en repentir. Et ceci s'oppose au sens même de la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. C'est-à-dire que tes invocations, elles doivent être adressées seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta peur et ton espoir, ils doivent être seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les adorations. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela. Au fait de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci s'oppose au sens même de l'attestation de foi qui est le premier pilier de l'islam et la base fondamentale de notre religion. Il y a donc dans ce verset une réfutation de ces polythéistes qui adoraient les anges ainsi que les prophètes comme Isa alayhi salam et les vertueux comme la mère de Isa alayhi salam, Maryam, et c'est eux qui sont visés dans ce verset. Et ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas en mesure d'apporter un quelconque bien ou de repousser un quelconque mal de ceux qui les invoquent. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans le verset précédent, قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui, en dehors d'Allah. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset que l'auteur a cité, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Eux-mêmes, ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Et le plus grand moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration en concrétisant ce noble but qui est le tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des djinns et des hommes. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième verset qui est le verset 27 de Surat Az-Zukhruf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car certes il va me guider. On voit à travers ce verset le sens réel de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. On a vu dans un cours précédent que cette parole, elle repose sur deux piliers, qui sont la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dites sur la parole d'Ibrahim alayhi salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans ce verset. Il a commencé par la négation. Innani bara'u mimma ta'budun. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Tu retrouves ici le sens de la ilah. Et ensuite il est venu avec l'affirmation. Illa alladhi fatarani. À l'exception de celui qui m'a créé. Et ceci est le sens de illallah. Il a donc affirmé que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Et il a renié le fait qu'autre qu'Allah puisse mériter d'être adoré. Ce verset est donc un des versets les plus clairs, nous exposant le sens de la ilaha illallah. Je désavoue totalement ce que vous adorez, la ilaha, à l'exception de celui qui m'a créé. On retrouve le sens ici de illallah. Et médite sur deux points dans ce verset. Premièrement, on voit à travers la parole d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit « Je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. » Il ne s'est pas arrêté à « Je désavoue totalement ce que vous adorez. » Mais il a ajouté « à l'exception de celui qui m'a créé. » Ceci nous indique quoi? Ceci nous indique que parmi ce qu'ils adoraient, il y avait quoi? Il y avait Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les polythéistes, ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils vouaient certaines de leurs adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci réfute donc l'ambiguïté de certaines personnes qui ont du mal à comprendre qu'une personne puisse prier, jeûner, donner des aumônes, faire le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré ça, être polythéiste mécréante. Comment cela est possible? Car en parallèle de ses adorations qu'elle voue à Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui donne des associés. Lorsqu'elle est malade, elle se rend auprès du mausolée, du wali fulan, de tel ou tel saint, ou je ne sais quoi, elle lui demande de le guérir. Lorsqu'un malheur l'atteint, elle invoque Sidi fulan ou Sidi fulan, et ainsi de suite. Et ceci est du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Donc bien qu'elle prie, jeûne, donne des aumônes pour Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça, ses œuvres sont vaines. Comme on l'a vu, le shirk akbar, il annule l'ensemble des œuvres. La in asharakta, la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin. Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines et tu seras du nombre des perdants. Elles sont vaines, aussi nombreuses soient-elles. Et tu as dans ce verset la preuve que les polythéistes, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce pourquoi ils ont été jugés mécréants et ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis l'enfer éternel, c'est parce qu'ils lui ont donné des associés. Il ne suffit donc pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut en plus de cela te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point que l'on souligne dans ce verset, c'est qu'Ibrahim alayhi salam, il a ici pris comme argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré, le fait qu'il est le seul à créer. En effet, il a dit « Je désavoue totalement ce que vous adorez » Il n'a pas dit à l'exception d'Allah, mais il a dit à l'exception de celui qui m'a créé. C'est-à-dire, étant donné qu'il est le seul à m'avoir créé, il est également le seul à mériter que je l'adore. Et ceci revient souvent dans le Coran. Car l'unicité dans la seigneurie, c'est une preuve de l'unicité dans l'adoration. En effet, celui qui est le seul à avoir créé l'ensemble de cet univers, à l'administrer, à donner la vie, à donner la mort, à nous accorder notre subsistance. Celui qui a fait tout cela, il est le seul en droit d'être adoré. Comment une personne peut-elle vouer une adoration à une créature faible comme elle? Comment peut-elle vouer une adoration à une pierre ou à un arbre ou à une tombe qui ne peut rien pour elle-même? Le shirk, le polythéisme, en réalité, si tu médites sur cela, il s'oppose à la raison saine. Car la raison saine, elle poussera la personne à ne vouer ses adorations qu'à celui qu'il a créé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset, qui est le verset 31 de surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc al-ahbar, qui est traduit ici par les rabbins, ce sont les savants parmi les gens du livre, parmi les juifs. Et al-ruhban, qui est traduit par les moines, ce sont leurs adorateurs. Donc les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, de quelle manière? L'explication, elle nous a été donnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et ce, lorsque Addi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a lu ce verset, puis il lui a dit, ils ne les adorent pas. C'est-à-dire, ils n'adorent pas leurs moines et leurs rabbins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, mais si, ils leur ont interdit le licite, le halal, et ils leur ont rendu licite l'illicite, le haram, et ils les ont suivis en cela. Et ceci est l'adoration qu'ils leur ont vouée. Ceci est l'adoration qu'ils leur ont vouée. Qu'est-ce que c'est? Leurs rabbins et leurs moines leur disaient, ceci est interdit, en désignant une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue licite. Et eux, ils les suivaient et considéraient cela comme interdit. Ou alors ils leur disaient, ceci est licite, en parlant d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Et ils les suivaient dans cela. Ceci est donc une manière de les adorer, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et telle est la situation des juifs et des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. En effet, leurs rabbins et leurs moines agissent avec eux tels des législateurs. Et ils ont chez eux le statut de législateur. Ils peuvent leur rendre licite une chose qu'hier encore ils considéraient illicite. Et inversement. Et ceci est une forme d'adoration qu'ils leur vouent, de laquelle le musulman doit prendre garde. Donc la législation, en islam, elle ne provient que du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux savants ou aux imams, ils n'ont pas le droit de légiférer, de rendre licite ou illicite, car ceci est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné un quatrième verset, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 165 de surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, certains prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. On voit donc à travers ce verset que quiconque voue une forme d'adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a certes pris cette chose ou cette personne comme égale à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il l'a pris comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant cette adoration qui est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grandes formes d'adoration, il y a l'amour. En effet, le croyant, il se doit de n'aimer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de n'aimer qu'en Allah, c'est-à-dire en aimant ce qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans un hadith authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois choses, celui en qui elles sont réunies, il trouvera la douceur de la foi. Puis il mentionna ces trois choses et dit: qu'il aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout, qu'il n'aime les gens que pour Allah, et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. On voit donc à travers ce hadith que le croyant, qui souhaite trouver la douceur de la foi, il se doit d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de l'amour d'Allah. Il fait partie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu aimes une personne, tu ne dois l'aimer que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu l'aimeras en fonction de sa foi, en fonction de son degré dans la religion. Plus la personne sera pieuse, plus tu vas l'aimer, et inversement. Et si tu aimes une personne ou une chose, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceci vient affaiblir l'amour que tu portes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui prouve la véracité du serviteur dans son amour qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il aime tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il déteste tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus, il y a le polythéisme et la mécréance. Le croyant, il doit donc détester la mécréance plus qu'il ne détesterait être jeté dans le feu. Comme il est mentionné dans le hadith qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Si telle est la situation, alors le serviteur aura réellement fait prédominer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que si on lui laisse le choix entre le fait de devenir mécréant ou d'être jeté dans le feu, il choisira d'être jeté dans le feu. Il refusera la mécréance. Telle est la situation de ceux qui ont la foi ferme et qui aiment réellement Allah subhanahu wa ta'ala plus que leur propre personne. En effet, si tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas faire prévaloir ta religion sur ta personne, sur tes biens, sur tes proches. Et cet amour, il sera accompagné nécessairement de servitude et d'asservissement que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de sa vénération et de son obéissance et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien en apparence que dans ton fort intérieur. C'est donc pour cela que ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, en les aimant comme on aime Allah, ils tombent alors dans le polythéisme majeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et il a dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire dans l'authentique ici, de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la sacralité des biens et du sang à deux choses. La première est le fait de dire la ilaha illallah. Et cette parole, comme on a dit, ce n'est pas simplement des mots que tu prononces avec ta langue, mais tu dois les prononcer en connaissant leur sens et en ayant la certitude quant à la réalité de cette parole, comme cela est démontré par de nombreux hadiths. La deuxième chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la sacralité des biens et du sang, c'est le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il dit « mécrois en ce qui est adoré en dehors d'Allah ». Et ceci nous montre l'importance de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ceci est en réalité compris dans ton attestation que « la ilaha illallah ». Lorsque tu dis « la ilaha », tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu affirmes ensuite que l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans ce hadith insisté sur cela pour nous montrer qu'il ne suffit pas de dire « la ilaha illallah » pour être musulman. Mais pour être musulman, il est impératif que la personne mécroie en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ce hadith est un des hadiths les plus clairs à ce sujet, nous montrant que il ne suffit pas à la personne de dire « la ilaha illallah » pour être musulmane. Il ne suffit pas non plus de connaître le sens de « la ilaha illallah » et d'accepter cela. Mais il est impératif que la personne mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire que tu n'invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te prosternes que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'aimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'aies peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'aies espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne places ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Toutes tes adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui voue une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a annulé l'attestation de foi. Il est sorti de l'islam. S'il meurt dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. Et il sera éternellement en enfer. Donc pour être musulman, il est impératif de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Avec certitude. Si la personne, par exemple, elle est dans le doute, elle ne se prononce pas. Dis-moi, je suis musulman. J'adore Allah, Eux, ils font ce qu'ils veulent, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont raison. Alors celui-ci, il n'a pas mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le musulman, il doit impérativement affirmer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Sinon, il n'a pas concrétisé le premier pilier de l'islam, qui est l'attestation de foi, l'attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith, et son jugement revient à Allah. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se chargera de son jugement. S'il est véridique dans sa prononciation de la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera alors au bien et le fera entrer dans son paradis. Mais s'il n'est pas véridique que c'est un hypocrite, alors Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera en le faisant entrer en enfer, wal'iyadu billah. Quant à nous dans ce bas monde, nous n'avons que les apparences. À partir du moment où la personne dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et qu'elle ne laisse rien apparaître s'opposant à cette parole, alors nous n'avons pas à remettre en cause ce qu'il y a dans son cœur. Tant que rien n'apparaît à travers ses actes, à travers ses paroles, s'opposant à la parole du Tawhid, la ilaha illallah. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, et l'explication de ce chapitre se trouve dans les chapitres suivants. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est comme si on avait terminé l'introduction de ce livre. C'est-à-dire que les 6 premiers chapitres, ils sont comme une introduction au sujet du tawhid, ses mérites, le danger du polythéisme, le sens du tawhid, et ainsi de suite, parmi les questions que l'on a vues dans ces chapitres jusqu'à maintenant. Et les chapitres qui vont suivre, ils sont comme une explication détaillée du tawhid et de ce qu'implique l'attestation que la ilaha illallah. Et également le cheikh rahimahullah ta'ala va nous exposer nombre de formes de polythéisme majeur et mineur, ainsi que le danger de ce qui mène à cela parmi les innovations et parmi les choses qu'il est obligatoire pour le croyant de délaisser après avoir attesté que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé avec ce chapitre. On a vu en résumé, dans le premier verset, le sens du tawhid et de l'attestation que la ilaha illallah. Et que cela implique le fait de délaisser ce sur quoi sont les polythéistes, comme l'invocation des morts parmi les prophètes et les vertueux, car ceci est du shirk akbar, du polythéisme majeur, s'opposant et annulant le tawhid. Dans le deuxième verset, on a vu le sens de l'attestation de foi. Et qu'elle repose, comme on a dit, sur 2 piliers, qui sont la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'affirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Dans le troisième verset, on a vu que il fait partie du sens de la ilaha illallah, le fait de lui vouer l'obéissance, en rendant licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite, et en rendant illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Et on reviendra sur cette question plus en détail, dans un autre chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a consacré à ce sujet. Dans le quatrième verset, on a vu que celui qui donne un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, en l'aimant comme on aime Allah, alors il est tombé dans le polythéisme. Car le tawhid, il consiste à vouer exclusivement l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique de n'aimer qu'en Allah, de n'aimer que ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, comme on l'a vu à travers le hadith. Enfin, dans le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, on a vu que parmi les choses les plus importantes appliquées par l'attestation de foi, il y a le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a pas concrétisé l'attestation de foi, car il n'a pas concrétisé le premier pilier qui est la négation. Lorsque tu dis la ilaha, qui est le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra dans le prochain cours, le prochain chapitre, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé le sujet des anneaux et des fils qui sont portés pour dissiper un malheur ou le repousser. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا